Kyrie eleison, pardonne-moi si j'ai péché pour cet amour qui m'était interdit. Je cherchais à le fuir, je voulais sans hésiter. Pitié, Seigneur, pardon, Seigneur, Kyrie eleison. Pardonne-moi si j'ai péché pour cet amour qui m'était interdit. Malgré mon repentir, mes amis m'ont condamné pour le bon et pour le pire. Il faudrait leur pardonner. Pardonne-nous, Seigneur.